nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une certaine articulation de l'entreprise de vivre s'est tout à coup révélée. Voilà comment a été capable de s'exprimer, de sa voix incomparable, Alain Cuny dans la magnifique série de 5 entretiens qu'il accordait en 1975 sur France Culture. Par ces mots, il décrivait ce qu'avait représenté pour lui, alors qu'il n'avait pas 20 ans, les rencontres de Braque, Picasso, Chanel, que lui avait présenté Pierre Reverdy, avec lequel il avait lié une amitié profonde. Dans le deuxième volet de cette série, Alain Cuny parlait également de sa rencontre avec Artaud et on découvrait comment, à 15 ans à peine, un don pour le dessin lui avait permis de gagner sa vie en réalisant des affiches de cinéma, notamment pour des films de Feder, Renoir ou Pabst. Comédien, ce n'était pas là où je voulais aller, disait-il, en martelant qu'il n'avait pour autant jamais exercé cet art qu'en lui donnant toujours tout de ses ressources physiques et spirituelles. Il faut absolument entendre Alain Cuny, dans toute sa riche complexité, au micro de son ami Fernand Schulman, à 1000 lieues de la statue du commandeur qu'il a pu représenter. L'entendre dire encore, après 40 années d'une carrière flamboyante, « Je vis en clandestin », avouant qu'il avait été longtemps et était resté peut-être toujours en permanent danger de rompre, de prendre congé, d'une existence à jamais marquée par son douloureux commencement. Entretien avec Alain Cuny, deuxième partie, diffusée la première fois le 6 janvier 1976 sur France Culture. La cloche bouddhique qui répète inlassablement « Ré dièse, ré dièse, ré dièse, non, non, non » à toutes les amours et à toutes les vanités de ce monde. Alain Cuny s'entretient avec Fernand Schulman. Deuxième propos. Alain Cuny, nous avons hier tenté de cerner ton enfance, une enfance qui, à bien des égards, n'était pas facile. À présent, tu entres dans l'adolescence et ta vocation se précise, une vocation de peintre. Je sais qu'à la même époque, tu rentres aux Beaux-Arts, y rentres-tu de ton propre chef, poussé par ta famille? Je voudrais que tu me permettes de faire une petite citation, mais je ne sais pas de qui elle est. J'ai tout un stock de phrases auxquelles je me reporte de temps à autre. En tout cas, voilà celle-ci à propos de vocation. La plupart de nos vocations sont farcesques. Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment. Eh bien, c'est étonnamment mon guide, à une phrase comme celle-là, que je me reporte de plus en plus. Si bien que ce que tu as flatteusement appelé vocation, c'était certainement une disposition naturelle que j'avais. Étant petit, je dessinais. On me donnait des crayons de couleur. Et tu vois à quel point, il faut pourtant sortir de ce sujet, mais à quel point l'entourage, la cloche maternelle sous laquelle j'étais est agissante et puissante. C'est que ma mère a dû à un certain moment, avant que je n'entre à l'école des Beaux-Arts, mais alors que je dessinais, que je peignais un petit peu, ma mère, n'ayant pas du tout d'argent, a dû faire ce qu'on appelle des visites médicales. Des visites médicales, ça consistait à aller représenter des laboratoires dans les bureaux des médecins et puis leur proposer les produits pharmaceutiques représentés par la personne qui faisait ce métier. Et un soir, ma mère a déposé sur la table de la salle à manger une boîte de produits pharmaceutiques qui étaient les produits qu'elle allait soumettre, n'est-ce pas, au choix des médecins. C'était une boîte de tubes. J'ai cru qu'elle m'apportait une boîte de tubes de couleur, de peinture. Et elle, alors, avec une certaine brusquerie. M'a déclaré, ou même m'a peut-être enlevé des mains cette boîte de tubes de pâte pour eczéma ou je ne sais quelle maladie. De sorte que je me demande si là, elle n'a pas fait obstacle à mon désir, à mes impulsions, à ce qui bizarrement me donnait envie de peindre, c'est-à-dire de représenter, c'est-à-dire de communiquer avec l'extérieur par des coups de crayon, par des couleurs, ce à quoi, après tant d'années, je crois de toutes mes forces de revenir. Tu rentres néanmoins aux Beaux-Arts. Oui, j'entre aux Beaux-Arts, où je ne suis pas resté très longtemps, parce que, là encore, je suis en porte-à-faux. Je suis entré aux Beaux-Arts sachant que c'était un enseignement conventionnel. Je savais que je n'aimerais pas les maîtres que j'y trouverais. J'y suis entré peut-être parce que je n'avais pas la force de peindre, de dessiner, d'être révolté en acte comme je l'étais en intention. Alors je suis entré aux Beaux-Arts, là où en fait je n'aurais jamais dû aller. Je suis même monté en loge. J'ai concouru pour le prix de Rome. Tu vis comment à cette époque? Alors, ta famille te fournit des subsides? Alors à cette époque-là, et je ne sais plus comment ça a commencé, je ne sais plus du tout qui a pu me signaler qu'il était possible de gagner de l'argent. Et qu'il était possible, même tout jeune, aux Beaux-Arts, j'étais très jeune, je n'avais pas terminé les études secondaires. Et je faisais des affiches. Je faisais des affiches de cinéma. Ou plutôt, ah oui, il me semble que j'étais devenu amoureux, comme je l'étais dans la chapelle et dans mon lit, la veille de ma première communion privée. Car je ne crachais pas ma salive à propos de cet amour, mais à 15 ans, je crois, la nuit, je pleurais d'amour dans mon lit pour une chanteuse espagnole qui s'appelait Raquel Meller. Qui était très célèbre. Qui a été célèbre, oui. Et j'ai fait alors des portraits de Raquel Meller. C'était des portraits de caractère, de dessin d'affiche. C'est-à-dire, ce n'était pas des portraits à l'huile ou ce n'était pas des croquis. Non, c'était vraiment des dessins publicitaires. C'est un dessin et qui était ensuite plus que rehaussé, qui était peint à la gouache. Et alors, une amie de ma mère lui a dit « Mais il faut absolument aller montrer ces affiches à Raquel Meller. » Et alors, ma mère, avec cette amie, alors que ni l'une ni l'autre n'avait jamais mis les pieds dans un music-hall, ni dans une boîte quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, cette amie était la femme d'un général qui était même le commandant militaire de la maison du Sénat. Et donc, cette femme du monde, en compagnie de ma mère, est allée avenue de Wagram, je crois, où chantait à cette époque-là Raquel Meller. On les a fait attendre, on les a mal reçus. Et puis finalement, elles ont pu voir le directeur du music hall. Et le jour même, ces affiches ont été prises. Et quelques semaines après, sur les murs de Paris, sur les colonnes Maurice, un petit peu partout, il y avait ces affiches dont j'ai encore... Signées. Ah, signées. J'avais une signature énorme, une signature qui devait faire 20 ou 30 centimètres. J'avais 14 ans. Alors, j'ai gagné par la suite, grâce à ces affiches, pendant plusieurs années, de quoi relativement assurer mon indépendance matérielle. J'étais très pauvre, mais je vendais des affiches. J'ai fait des affiches pour des films de Feder, de Renoir, de Cavalcanti, de Pabst. J'ai fait une affiche pour La Rue sans joie avec Asta Nielsen, mais je ne savais rien. Je ne comprenais rien. Rien à quoi ? À tout. Ces affiches que je les faisais dans un état qui pourrait être dit comateux. Je ne savais pas où aller. Si je n'avais pas eu ce peu d'argent que me donnaient les affiches et quand je n'en gagnais pas, un petit secours matériel que réussissait à me donner ma mère, j'aurais été un vagabond, un clochard... n'ayant qu'un lieu fixe, et un ami de la famille. Et cet ami de la famille, c'était Monseigneur Grant, qui est devenu le cardinal Grant. Et ce cardinal Grant, qui n'était encore qu'évêque du Mans, avait suggéré à ma mère que j'aille de temps en temps. On ne savait pas très bien ce vers quoi je pourrais me diriger. Est-ce qu'ils se sont dit que le couvent, que la vie des moines fixerait quelque chose en moi? Toujours est-il que je suis allé à Solesmes. Qui était une abbaye de bénédictins. C'est une abbaye de bénédictins, oui. Et là, alors que j'étais dans la clôture, un matin, un petit homme brun, vigoureux, se tenant très droit, ayant une voix timbrée, même cuivrée, où les airs étaient très utilisés, était là, et qui parlait avec, je sais pas, un moine ou un prieur peut-être. Et il m'a vu, il a demandé ce que je faisais là, qui j'étais, il s'est approché de moi, avec un visage plein de générosité, de bonté, mais pas compatissant, de bonté vigoureuse, n'est-ce pas? D'ailleurs, je pense que je n'étais pas du tout pitoyable. Et c'était Reverdy. C'était Pierre Reverdy. Qui était déjà un poète célèbre. Oui, Pierre Reverdy était un poète qui avait presque tout publié déjà de son œuvre. Il était donc là parce que, quelques années auparavant, au moment où il a écrit Le Grand Crin, il est venu à Solesmes avec sa femme dans l'intention d'entrer, lui, chez les bénédictins et elle, chez les bénédictines, car il y a tout près de l'abbaye des hommes, l'abbaye des bénédictines à Solesmes même. De même que Claudel, il n'est pas entré au couvent. Mais il n'a pas voulu quitter Solesmes. Il avait acheté une petite maison et il vivait tout près de l'abbaye, à 200 mètres de l'abbaye. Et l'après-midi de ce jour-là, je suis allé chez lui. Il était persuadé que j'écrivais, que j'étais un tout jeune poète. Et il n'a pas insisté du tout pour voir ce dont j'étais capable. D'ailleurs, aurait-il insisté que je n'avais rien à lui montrer, car il se trompait. J'écrivais des petites phrases de douleur intolérables où j'essayais de conserver pour sortir de cette souffrance. J'essayais de conserver les mots qui pouvaient les décrire, ces moments déchirants où vraiment le monde pour moi, c'est-à-dire ma vie, n'avait pas d'avenir, n'avait pas de lendemain. Tellement c'était intolérable. Je suis parti de Solesmes et j'ai emporté presque tous ces livres, dont quelques-uns dans des éditions très rares avec lithographie de Picasso. Pourquoi emporter presque tous ces livres? Il me les a donnés, je veux dire. Avant de quitter Solesmes, lorsque je suis rentré à Paris, il m'a fait cadeau, n'est-ce pas, dès les premiers jours. Comme ça, de ses plus beaux ouvrages, un cadeau merveilleux. Et c'est alors à partir de là que j'ai su que il y avait une vie littéraire, qu'il y avait une vie artistique, picturale. Et alors, ensuite, venant me voir à Paris, car il ne m'a plus quitté, Reverdy, il m'a emmené chez Braque, il m'a emmené chez Picasso. Il m'a emmené chez Chanel, avec laquelle il était encore très lié. Et, si tu veux, une certaine articulation de l'entreprise de vivre s'est tout à coup révélée. Ces événements se situent vers quelle année? Ça, je ne pourrais pas te dire. En tout cas, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et à l'époque de Reverdy, tu continuais de vivre de ton travail. À l'époque de Reverdy, j'avais déjà vendu, je crois, un certain nombre d'affiches qui me permettaient de me nourrir. Et j'avais rencontré aussi un sculpteur qui s'appelait Boucher, qui avait construit une cité d'artistes, et qui existe encore, qui s'appelle La Ruche. Et alors ce Boucher avait été très intéressé par les affiches que je lui avais montrées et il m'avait donné un tout petit local minuscule où il y avait tout juste la place de mettre un lit, un lavabo et puis une table et sur un des murs je piquais mon papier et je dessinais. Je payais très peu de choses. Et tu rencontres Artaud à cette époque ou est-ce plus tard? Oui, j'ai rencontré Artaud alors un peu plus tard, je crois. J'ai rencontré Artaud au moment des Shenshi. Oui. Et il m'avait demandé de faire de la figuration dans les Shenshi. Je n'ai pas pu me déterminer, me résoudre à monter sur la scène, à être parmi ces acteurs, ces gens qui me semblaient inapprochables. Tu as gardé avec Artaud des relations qui ont duré toute votre vie. J'ai revu Artaud plusieurs fois à cette époque-là, chez des camarades communs, ou bien à Saint-Germain-des-Prés, dans les cafés. Et par la suite, alors beaucoup plus tard, lorsque j'ai eu un appartement, oui, Artaud est venu souvent chez moi, et moi-même alors, je suis allé aussi bien des fois dans les asiles, et les asiles de l'assistance publique, où il était obligé d'aller se réfugier. Mais sans faire le moindre rapprochement entre Artaud et moi, mais sur ce point précis du refuge, il m'est arrivé, moi aussi, peut-être intercalé dans les différentes péripéties de cette époque, d'aller me cacher dans les hôpitaux, sous un prétexte quelconque, j'obtenais du médecin mon entrée à l'hôpital et je faisais des séjours de 8 jours, 15 jours. Un jour à Marseille, n'ayant plus du tout de quoi bouger, de quoi manger, de quoi dormir, je suis allé à l'Hôtel Dieu. Et là, alors, j'étais donc hospitalisé, c'est le terme. Mais j'étais dans une petite chambre de typhique. C'était tout à fait insensé de la part du médecin qui avait fait cela, et même des infirmières qui savaient bien. Tu n'avais pas le moindre symptôme. Ah, je n'avais rien du tout. J'étais organiquement parfaitement sain. J'étais vigoureux, grand. Et j'ai vu des typhiques mourir au rythme de un tous les deux jours. J'ai d'ailleurs des croquis encore de moribonds, et non seulement de moribonds, mais de cadavres. De cadavres qui étaient à côté de moi, sur le lit qui était proche du mien. Tout ça était bien entendu fabriqué à mon insu. Bien sûr. Je n'avais pas que cela comme refuge, l'hôpital. Sans doute que c'était encore le rejet qui me précipitait dans ces asiles, dans ces lieux pour indigents de l'assistance publique, où je n'avais même pas un franc à donner pour y être installé. Et pourtant, tu avais à Paris un milieu intéressant. Tu as rappelé Braque, mais il y avait aussi Picasso que tu as rencontré à la même époque. Mais qu'est-ce que peuvent faire les conditions extérieures et une remarque d'ordre simplement psychologique en se basant sur le cadre et sur les choses pratiques? Il y avait d'autres forces impératives qui me clouaient, qui me maintenaient dans cette misère. Dans cette misère, si tu veux, je vivais, et peut-être encore maintenant, je vis clandestinement par rapport à la vie permise, à la vie autorisée, puisque la mienne ne l'était pas. J'ai probablement automatisé et répété constamment. Il est donc tout à fait surprenant que j'ai pu faire quelque chose, mais ce quelque chose qui, globalement, dans ma vie professionnelle, se trouve être le théâtre et le cinéma, ce quelque chose si totalement que j'ai pu le faire, sans aucune réserve de mes forces, je me suis prêté, engagé, mis dans l'exigence d'interpréter des personnages, d'interpréter des rôles. Je l'ai fait jusqu'à chaque soir, et même au cours des répétitions, sans laisser une once d'énergie détectable par moi, inemployée. Il n'y avait pas la moindre réserve. Néanmoins, comme les Beaux-Arts n'étaient pas l'école où je voulais aller, cette activité théâtrale et cinématographique, ce n'était pas aller où je voulais aller. Pour toi, l'avenir, c'était quoi? Ou d'abord, y avait-il un avenir? Je ne sais pas s'il y avait un avenir, mais j'étais en permanent danger de rompre, c'est-à-dire, sûrement comme le dit d'une façon si extraordinairement poignante Nietzsche, de prendre congé. Il a dit combien de fois il a pensé qu'il allait prendre congé, ou qu'il avait même pris congé, c'est-à-dire qu'il s'était trouvé face à face avec l'infini, l'absolu, du trépas, c'est-à-dire du passage, pas de la mort. Et moi aussi, je voulais prendre congé, je voulais me suicider. Et tu l'as fait? Oui, j'ai essayé. J'ai essayé, je ne sais plus quand ça se situe. Ça devait être un peu avant mon service militaire, je pense. Là encore, je ne peux pas dire tout à fait que j'ai biaisé, mais si quand même, j'ai pas eu le courage d'absorber le produit, c'était du Gardénal. Je savais très bien quelle dose était mortelle. J'avais pris ça à la terrasse d'un café. Personne ne s'en était aperçu, bien sûr. Et puis je me suis mis en route pour aller me coucher dans un hôtel. Et l'effet s'est déclaré plus rapidement que je ne le pensais. C'est en arrivant à l'hôtel que j'ai commencé à perdre connaissance et on a cru que j'étais ivre. Alors on n'a pas voulu m'accueillir dans cet hôtel. Et c'est un passant qui a dû dire « mais il n'est pas ivre, il est malade ». On m'a emmené à l'hôpital et j'ai su par la suite, parce que je suis devenu l'ami de l'interne qui m'a accueilli, qui m'a soigné, j'ai su que je n'ai dû d'être sauvé qu'à l'emploi que l'on faisait, et expérimentalement, à l'époque, on ne savait pas très très bien si ce n'était pas dangereux, on se servait de la strychnine comme antidote, à dose massive, et j'ai été sauvé par cette strychnine qui, elle, était mortelle aussi. C'était le deuxième des 5 entretiens avec Alain Cuny au micro de Fernand Schulman, diffusé la première fois le 6 janvier 1976 sur France Culture.